Vous écoutez Futur Simple sur CKRL 89.1 et c'est l'heure de vous parler du miltos. Et non, cela ne se mange pas, bien qu'il ait été utilisé quand même à toutes les sauces, comme va nous le dire Marie-Claude. Oui, bonsoir Valérie. Alors oui, je vais parler d'un produit miracle, un produit qui a été utilisé à l'Antiquité et comme tu le dis, à toutes les sauces, il s'agit du miltos. Le miltos, en fait, c'est un oxyde de fer et c'est une commodité bien prisée. Il y a plus de 2000 ans. Ce qui est intéressant, c'est qu'il était utilisé autant pour la construction et l'entretien des bateaux que la fabrication de tapis et en médecine aussi. Et je pense d'autres utilisations. Mais on peut se poser la question comment ça se fait que ce minerai de fer-là ait pu avoir autant d'applications si variées. Et c'est sur cette question qu'une équipe de chercheurs d'Écosse menée par l'archéologue Effie Fotos-Jones s'est penchée. Leurs résultats ont été publiés récemment dans le Journal of Archaeological Science. Donc, le miltos, c'est un minerai et en fait, on veut savoir les propriétés biochimiques pour mieux comprendre l'utilisation diversifiée qu'on a pu en faire. Exactement, c'est exactement ça. Et l'étude en question va se scinder en deux volets. Dans un premier temps, c'est de connaître, mieux comprendre le milieu d'origine. Et dans un deuxième temps, c'est de connaître la constitution du minerai en question par une approche qui se veut biomédicale. Biomédical. Oui, c'est un peu bizarre. Le volet biomédical, c'est de la présente étude, se veut un regard sur la bioactivité des minéraux et de leur microbiome. Okay. Et au final, l'archéologue Fotos-Jones souhaitait être en mesure de traduire toutes les différentes observations empiriques et les utilisations et les pratiques qui avaient été relatées par plusieurs auteurs provenant de l'Antiquité et qui datent de... plusieurs années, 2000 ans, et dans un langage qui se voulait un peu plus scientifique. Mm-hmm. Donc, en fin de compte, qu'est-ce qu'on sait du miltos? Donc, comme je l'ai mentionné en intro, c'est un oxyde de fer dont les propriétés majeures ou essentielles sont sa couleur, une couleur rouge, et sa grande capacité de coloration. On le retrouve dans la roche de type schiste calcaire ou dans le marbre, et les textes de divers auteurs anciens comme Théophraste, qui date du 3e siècle avant Jésus-Christ, de Dioscoride, qui lui est le 1er siècle après Jésus-Christ, et de Pline, qui est aussi dans le 1er siècle après Jésus-Christ, vont tous indiquer l'utilisation d'une poudre minérale de couleur rouge qu'on nomme miltos. Mm-hmm. Et les auteurs vont parler tout le temps de la particularité que ce minerai-là se retrouve à des endroits très précis dans le monde, contrairement à bien d'autres minerais qu'on pourrait trouver partout à travers la Terre. Et le miltos va se retrouver dans les mines qui sont entre autres à Kéa dans les Cyclades, le Lemnos dans le nord-est de l'Égée et en Cappadoce en Turquie. Et pour les archéologues, ça faisait que l'identification de cette poudre-là était assez simple. On allait juste se promener dans l'endroit en question, puis tout ce qui était de la poudre rougeâtre, mais c'était le miltos. Et quand on regarde les plus vieux textes, il va aussi attester l'utilisation de cette poudre minérale-là rouge. On va le voir bien avant l'époque de la Grèce antique. On va remonter à l'époque mycénienne, qui parle là, de cette utilisation très variée. Et on peut... s'entendre pour dire que le miltos devait avoir une part d'efficacité si on l'utilisait pendant presque 4000 ans. Ouais. L'importance que détenait cette poudre minérale-là est assez manifeste dans une inscription qui va intriguer beaucoup, qui a intrigué d'ailleurs l'équipe de chercheurs. On a un décret qui est retrouvé à l'Agora d'Athènes, qui date de 360 ans avant Jésus-Christ, qui demande à ce que trois villes-états de Kéa, donc les îles des Cyclades, d'exporter leur miltos, donc cette poudre-là, exclusivement dans leur entièreté à la ville d'Athènes. Ah oui, et pourquoi? La question mérite vraiment d'être posée. C'est un peu bizarre comme demande. Surtout quand on sait qu'est-ce qu'il a de particulier, ce miltos? Parce que le miltos, en plus, on peut en retrouver beaucoup plus près d'Athènes que dans les îles du Cyclades, dans un massif minier du sud de l'Attique. Donc, il y avait nécessairement une raison assez particulière à cette très stricte demande-là d'Athènes. Et donc, c'est ce constat qui a mené à explorer le milieu d'origine du miltos, à Kéa. Exactement, parce qu'on voulait, savoir pourquoi aller chercher. Qu'est-ce qu'il y a de particulier, là? Exactement. Parce qu'en plus de savoir que le miltos qui provenait des Cyclades est très en demande, on va noter même une spécificité dans l'utilisation de ce miltos-là qu'on retrouve à Kéa, même d'ailleurs dans chacune des autres mines. Donc, il n'est pas anodin qu'Athènes va demander spécifiquement ce miltos-là. c'est que celui-ci était reconnu pour son efficacité comme un agent anti-incrustation. Donc, Athènes, avec sa proximité de la mer, la capitale, avait beaucoup de bateaux. Mm-hmm. C'est un port. Et le miltos servait ultimement aux Athéniens comme un produit pour enlever l'accumulation de plantes et de faune marine sur les coques de bateaux. Mais le miltos qu'on retrouve justement à Lemnos ou en Cappadoce était utilisé à d'autres fins que celui de Kéa. Il y a donc conséquemment là, quelque chose de différent dans le sol des mines qui où est extrait le miltos. Et là, avant que je continue sur ce sujet-là, faut que je parle d'un billet que Fotos Jones et son équipe ont aussi reconnu dans son équipe, dans son étude, pardon, c'est la possibilité que les chercheurs qui vont étudier le miltos présent contemporainement, là, aujourd'hui, ne soit pas exactement la même composition, la même constitution chimique que celui d'il y a 2000 ans. Ouais, il peut se passer des choses. Ouais. Exactement, mais ceci étant dit, rien ne peut non plus prouver le contraire. Ouais. Donc, on est dans un doute. Alors, qu'est-ce qui expliquerait la nature des nombreuses utilisations de cette poudre minérale? Est-ce qu'il y a une différence dans leur constitution? Il y en a une. C'est sûr que essentiellement, le miltos y est riche en fer. Ça, c'est sûr et certain. Mais ça l'explique pas l'application diversifiée pour le miltos. Donc, les analyses de l'étude ont été faites pour connaître ce qu'on pouvait retrouver autre dans le minéral. L'hypothèse de l'équipe de chercheurs était que la présence de certains additifs pouvait expliquer les usages variés. Et pour vérifier cette hypothèse-là, il y a différentes analyses des échantillons de sol qui ont été faites, comme des techniques d'analyse de la géochimie du sol, la minéralogie, qui est entre autres la cristallographie sur rayon X. On a aussi l'écologie microbienne, comme avec le séquençage de l'ADN, pour connaître ultimement les composantes du sol où était extrait le miltos. Il faut comprendre que le miltos, et n'importe quel minerai aussi, soit dit en passant, c'est le produit d'un cycle qui est bio-géochimique. Donc, il va inclure la présence et aussi l'interaction d'une communauté de micro-organismes, de microbes. Alors, à la fin de cette enquête, cette curieuse enquête, qu'est-ce qu'on a obtenu? Quels sont les résultats? Mais il y a certainement une présence de plusieurs micro-organismes dans les échantillons qui ont été analysés. Donc, pour celui du miltos de Kéa, on retrouve entre autres des protéobactéries, des firmicutes et des actinobactéries. C'est des bactéries qui sont très bien connues. Moi, je vous en définirai peut-être juste qu'une seule. Les actinobactéries vont vivre en désagrégeant la matière organique pour être ultimement consommée par les plantes. Donc, on peut en déduire que l'utilisation du miltos sur les parois des bateaux permettait aux minerais de gruger toute la matière organique qui allait s'y coller. Je pense que l'utilisation du miltos de Kéa aurait peut-être aussi pu être utilisée pour l'agriculture, peut-être comme pour améliorer l'état des terres aussi. Une forme d'amendement. Peut-être. Et au-delà, ultimement, de cette découverte liée à l'utilisation, on va comprendre deux choses assez intéressantes. La première, c'est que les bactéries qui vivent dans les environs des mines vont suivre le minerai. Donc, ils disparaissent pas. Ils continuent à vivre sur le minerai jusqu'à la destination. Et deux, il n'y a aucun traitement massif ou intensif du miltos lors de son extraction qui permettrait aux micro-organismes de disparaître, de mourir. Qu'est-ce qu'on doit retenir de cette étude-là? Bien, tout d'abord, même si dans l'Antiquité, il y a plusieurs matériaux ou des items qui ont en fait des lieux d'origine spécifiques, qui sont reconnus comme le miel de l'Attique, le vin de Chios ou bien le cuivre de Chypre, le cas de miltos va suggérer qu'il ne s'agit pas qu'une simple appellation d'origine contrôlée comme le vin aujourd'hui. C'est probablement plus aussi que juste la qualité d'un produit. On en déduit que le miltos, dépendamment de son lieu d'origine, offrait réellement des propriétés différentes qui étaient connues et donc aussi recherchées. Effectivement. Donc, et les Athéniens l'avaient bien compris. Oui, exactement. Merci beaucoup, Marie-Claude. Merci.